franceinter.com. Les images sont obsédantes, même si, quasi irréelles, elles ont été vues des centaines de fois. Cet avion, sur fond de ciel bleu, qui pénètre dans la tour comme si elle était faite d'une matière molle. Et soudain, l'embrasement. Oui, des images vues et revues, surtout en ces jours où l'on s'apprête à commémorer le 10e anniversaire de ce qui reste comme le plus grand attentat terroriste de tous les temps. Mais si M. X revient sur cet événement, c'est qu'il a été précédé de nombreuses alertes et menaces qui auraient peut-être pu permettre aux autorités états-uniennes d'éviter le désastre. À commencer par la découverte, fin 1999, d'un vaste complot, le complot du millénium, qui déjà avait l'ambition de semer la terreur en plusieurs points de la planète. Retour donc sur ce plan d'envergure qui a avorté, mais qui avait été initié par Al-Qaïda ou des hommes proches de l'organisation de Ben Laden. Log into a local war. You can read your paper, receive a mental scar. Get your happy meal in your happy car. You can make more money, but still here you are. You can hate, hate till you waste away. You can come back tomorrow. Jesus not here today. He's gone missing, lost in this place called religion. I'm a Muslim, I'm a Jew, I'm Ku Klux Klan, I'm nigga too. Wait for the crash when I built a lab. Or you go on and on like Duracell, Durex, no effects, yeah, sex on sale. You can read and read till your eyes fucking bleed. Either give up or you like to receive. The revolution will be televised in Iran on the Holy Quran. You can go into the internet, log into your local war. You can read your paper, receive a mental scar. Get your happy meal in your happy car. You can make more money, but still here you are. Une parenthèse d'abord. Le passage à l'an 2000 inquiétait beaucoup le monde du renseignement. Oui, parce que cet événement symbolique pouvait donner des idées à quelques fanatiques. Et autres illuminés, oui. Puis il y avait aussi la peur du grand bug de l'an 2000 qui aurait perturbé les réseaux informatiques du monde entier. Mais il n'en a rien été. C'est juste. N'empêche que dans les semaines qui ont précédé le 31 décembre 1999, les services secrets du monde entier s'attendaient au pire. Et c'était particulièrement vrai aux États-Unis, où les plus lucides et les mieux informés craignaient des actes terroristes perpétrés par les islamistes. On évoquait déjà Al-Qaïda ? Ah, tout à fait. Même si à l'époque, pour la plupart des responsables américains des forces de sécurité, Al-Qaïda n'était qu'un mythe et ne représentait pas une réelle menace. Il y avait pourtant eu, en 1993, un premier attentat contre le World Trade Center. Et plus tard, les deux attaques très meurtrières contre deux ambassades états-uniennes d'Afrique de l'Est. Oui. Mais en 1999, à l'exception notable du patron de la cellule antiterroriste de la Maison-Blanche, Richard Clarke, et de quelques spécialistes, on n'imaginait pas que des islamistes oseraient fomenter un attentat sur le sol même des États-Unis. Aveuglement ? Ou croyance un peu irrationnelle dans la toute-puissance du pays, un sanctuaire jugé inattaquable. Et sur quelles informations la Clarke et ses gens lucides s'appuyaient-ils ? À partir de renseignements humains et de rapports d'écoute téléphonique, ils avaient le sentiment que les réseaux islamiques clandestins montaient en puissance et donc que tôt ou tard, ils passeraient à l'action. Au moment du changement de millénaire, donc. Enfin, c'était en tout cas vraisemblable. D'autant que pour les musulmans, une date semblait particulièrement importante. La nuit du 3 au 4 janvier 2000 était pour ces croyants la nuit de la destinée. Cependant, le premier indice vraiment préoccupant est recueilli en Jordanie, où par ailleurs, il existe des services secrets très performants. Et cet indice-là ben, il s'agit d'une communication téléphonique échangée entre un personnage très proche de Ben Laden, Abu Zubaydah, et un extrémiste palestinien, Abu Oshar. Par conséquent, un homme déjà sous surveillance. C'est exact, car Oshar a déjà eu affaire à la justice jordanienne au cours de ces années 90. Pour quelle raison? Avec son jeune frère, il aurait préparé des attentats contre des juifs et des américains. Il a aussi procédé au recrutement de Moudjahidin qu'il a envoyé s'entraîner en Afghanistan. Alors depuis, il a été libéré. Eh oui. Et que s'est-il dit alors dans cet échange téléphonique intercepté par les services jordaniens? Une phrase surtout les a alertés. Zubaydah, un des lieutenants de Ben Laden, installé à Peshawar... C'est-à-dire à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, oui, à peu près. Zubaydah, qui est aussi le co-auteur d'un véritable manuel du terrorisme, l'encyclopédie du djihad, dit à Abu Oshar, le temps de l'entraînement est fini. Ah, et ça veut clairement dire, il faut maintenant passer à l'action. Ben, c'est en tout cas ce que concluent les Jordaniens. Et eux-mêmes, alors, passent à l'action? Ben, ils ne tentent pas et ils arrêtent Abu Oshar. Puis usant de méthodes d'interrogatoire très persuasives. Une torture. Hein. Vraisemblablement, quoi qu'il en soit. Ça leur permet d'opérer une vraie rafle parmi les amis du terroriste. Une quinzaine de personnes sont à leur tour interpellées. Et bientôt, les agents secrets jordaniens font une découverte inquiétante. Dans une cache aménagée dans le sous-sol d'une maison louée par les conspirateurs, ils mettent la main sur un stock de produits chimiques qui aurait pu permettre de fabriquer des centaines de kilos d'explosifs. Ah, belle prise, là. Hein. Dans cette cave, les Jordaniens découvrent également des détonateurs et de nombreux faux passeports. Un point particulièrement important, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et sait-on quelles étaient les cibles projetées? Oui, les terroristes comptaient s'attaquer à un hôtel d'Amman, fréquenté habituellement par les touristes américains. Mais ils avaient aussi l'intention de poser des bombes sur le célèbre pont du roi Hussein. Ah, ça c'est le pont sur le Jourdain qui relie la Cisjordanie à la Jordanie. Et des sites touristiques comme des églises et le mont Nebo où Moïse est censé avoir été enterré. Ouais. Alors un plan d'une grande ampleur. Hein. Et qui, s'il avait pu être exécuté comme prévu le 31 décembre 1999, aurait sans doute provoqué de véritables massacres. Mais là n'est peut-être pas le plus important. Les interrogatoires. Les perquisitions mettent en évidence que les terroristes d'Amman, qui préparaient leurs attentats depuis une bonne année, étaient en rapport non seulement avec l'organisation de Ben Laden, mais également avec des comparses établis aux États-Unis. L'un d'eux était même un citoyen américain, et un autre avait été chauffeur de taxi à Boston. Ouais. D'où le soupçon que d'autres attentats pouvaient être perpétrés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et même sur le sol états-unien. Autre indication essentielle. Parmi les comploteurs arrêtés se trouvait un Algérien, un certain Touri, neveu d'un homme réputé être le fournisseur de faux passeports du GIA. Oui, le groupe islamique armé, c'est-à-dire les islamistes algériens. Et c'est la deuxième fois que vous me parlez de faux passeports. Alors, une explication? Alors, si vous voulez, c'est un point crucial. Tous ces terroristes sont sans cesse en mouvement. Ils voyagent à travers le monde, ne serait-ce que pour se rendre dans les camps d'entraînement situés en Afghanistan ou rencontrer leurs commanditaires d'Al-Qaïda, par exemple au Pakistan. Ils doivent donc pouvoir disposer de faux papiers leur permettant d'échapper au contrôle des polices des pays qu'ils traversent ou de celles des pays où ils comptent s'installer avant de passer à l'action. Ah, il faut donc qu'il existe de véritables ateliers de fabrication de faux papiers. Exactement. Des passeports établis à partir de documents volés ou fabriqués de toutes pièces. Or, il s'avère que les islamistes algériens étaient très doués dans ce domaine. Et ça a deux conséquences. Expliquez. La première, c'est que pour remonter les filières du terrorisme, il faut aussi s'intéresser au réseau des fabricants de faux papiers, qui vont désormais être systématiquement pistés par les services secrets occidentaux. Et la deuxième, c'est que les islamistes algériens ne se contentent pas de fomenter attentats et massacres chez eux, mais qu'ils sont aussi impliqués dans le terrorisme international. Rendez-vous avec X. Bref coup de projecteur sur l'état d'esprit des responsables de la sécurité aux États-Unis au cours de l'année 1999. J'ai trouvé ces quelques lignes dans l'ouvrage de Lawrence Wright, La guerre cachée, Al-Qaïda et les origines du terrorisme islamiste. L'auteur évoque d'abord l'attitude du responsable du bureau du FBI à New York. O'Neill redoute particulièrement qu'Al-Qaïda choisisse l'occasion de l'approche du millénaire pour déclencher sa guerre contre l'Amérique. Il est certain que les terroristes islamistes ont installé des têtes de pont en Amérique, mais c'est très en deçà de ce que veut bien admettre la direction du FBI. Lors des réunions à la Maison-Blanche, le directeur Frey répète avec insistance qu'Al-Qaïda ne constitue aucune menace intérieure. Il faut d'ailleurs attendre juin 1999 pour que Ben Laden figure sur la liste des individus les plus recherchés par le FBI. O'Neill a relevé que les attaques d'Al-Qaïda respectaient une certaine cadence et il dit à ses amis « ça nous pend au nez ». Bon, je reviens à ça, sur l'implication dans ces réseaux terroristes internationaux d'islamistes algériens. Jusque-là, bah, ils avaient surtout commis des attentats chez eux. Hein. Et ils s'en étaient pris aussi à plusieurs reprises à des intérêts français. Souvenez-vous du détournement de l'Airbus Alger-Paris et des terribles attentats de 1995. Et puis aussi l'assassinat des moines de Tibérine. Hein. Il existait une sorte de logique au fait que ces terroristes aient pu rejoindre Al-Qaïda. Parmi les dirigeants du GIA, bras armé du FIS, le Front islamique du salut, il y avait ces hommes qu'on a appelés les Afghans. Ah oui, parce qu'ils avaient combattu en Afghanistan aux côtés des Moudjahidines contre l'armée rouge. Et ça leur conférait une sorte de prestige, un titre de gloire. Là-bas en Afghanistan, ils avaient forcément eu des contacts avec l'organisation de Ben Laden. Il y avait donc un contact physique et aussi une proximité idéologique. Pour autant, tous les militants du GIA n'étaient pas des Afghans. Mais la filiation existait. Ça voulait dire en tout cas que les acteurs de la lutte antiterroriste devait s'intéresser de très près aux activistes algériens expatriés. Et justement, aux États-Unis, on va obtenir la preuve que certains d'entre eux étaient partie prenante du complot du millénium. Une histoire très curieuse. Enfin, n'allons pas trop vite. Ben, je vous fais confiance. Les faits, d'abord. Le 14 décembre 1999, un certain Benny Norris, porteur d'un passeport canadien, embarque avec sa voiture de location sur un ferry qui relie le port canadien de Victoria à Port Angeles, dans l'état de Washington. Ouais, c'est-à-dire sur la côte ouest des États-Unis. C'est ça. À l'arrivée, Norris est le dernier à descendre au volant de sa voiture et donc à passer le contrôle de police, puis la douane. Le passeport semble authentique, mais c'est en tout cas la version officielle. Une jeune douanière trouve que l'homme paraît très agité. Inquiet ? Oui, elle se propose donc de le fouiller. Mais aussitôt, le prétendu Norris semble pris de panique et il s'enfuit. Mais il ne tarde pas à être rattrapé. Et bien sûr, on procède à un examen minutieux de son automobile. Et là, on découvre le poteau rose. Dans le logement de la roue de secours se trouve de la poudre blanche et un récipient contenant un liquide visqueux. Et les douaniers, j'imagine, pensent avoir affaire à un trafic de stupéfiants. Certes, mais quand ils mettent la main sur des mouvements d'horlogerie soigneusement dissimulés, ils comprennent que la poudre et le liquide sont en fait des ingrédients susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des explosifs. Des dizaines de kilos. L'individu est donc immédiatement emprisonné et le FBI commence son enquête. Est-ce que l'homme parle ? Assez vite, oui. Et il avoue que sa cible était l'aéroport de Los Angeles. Il voulait faire sauter sa bombe au milieu des passagers en attente de départ. Mais c'est l'enquête au Canada qui va fournir les renseignements les plus intéressants. Car les enquêteurs vont y découvrir un véritable nid de terroristes. Algériens ou maghrébins pour la plupart. Et c'est un carnet d'adresses appartenant au prétendu Norris qui permet d'identifier les membres du réseau. Et j'imagine que l'on apprend aussi que Norris n'est pas Norris. Bien entendu, il s'appelle en réalité Ahmed Ressam, algérien. Il a fui son pays en 1992, lorsque les généraux ont commencé à traquer les islamistes. Et où va-t-il là ? Bah d'abord en France, puis en 1994, doté d'un faux passeport assez grossièrement maquillé, il s'envole pour le Canada. Mais ces faux papiers ne font pas illusion à son arrivée à l'aéroport de Montréal. Il est refoulé alors ? Non, car déclarant avoir été torturé en Algérie, il fait une demande d'asile politique. Et en attendant, il est relâché. Mais que fait-il alors ? Bon, il vit de petits boulots et de larcins. Ça lui vaut d'être arrêté par la police à plusieurs reprises. Et bien évidemment, il n'est plus question de lui accorder le droit d'asile. Alors est-il expulsé ? Non, mais il passe de fait dans la clandestinité. Est-ce qu'il est déjà en rapport avec des islamistes algériens expatriés aussi ? Mais naturellement, et pour leur rendre service, il acquiert une certaine dextérité dans la fabrication de faux papiers. Mais appartient-il pour autant à un réseau terroriste ? Certainement, et il est d'ailleurs surveillé par les services français. Ouais, alors qu'il se trouve au Canada ? Exactement. Les services de renseignement ont trouvé son nom à l'occasion de leurs investigations sur le gang de Roubaix. Ah oui, c'est un gang qui naviguait entre terrorisme et banditisme. Oui, mais si vous me permettez, j'en reparlerai. Alors, revenons à Ressam. Le vrai tournant dans la vie clandestine de l'Algérien se produit en 1998. Sous sa fausse identité de Benny Norris, il part pour l'Afghanistan. Dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda ? C'est ça. Mm-hmm. Et ici, il faut noter que ce séjour en Afghanistan joue un grand rôle dans le parcours des candidats au terrorisme. Car au-delà des enseignements qu'ils reçoivent, c'est aussi une sorte d'adoubement. Ah oui, leur reconnaissance par l'organisation de Ben Laden. Et au fond, un brevet de terrorisme. Ah ouais. Donc Ressam fait le voyage. Et il apprend en particulier le maniement des explosifs. Son instructeur principal n'est autre que ce Zubaïda dont je vous ai déjà parlé. Ouais, c'est-à-dire l'homme qui a piloté la partie jordanienne du complot du millénium. Hein. Et c'est bien la preuve qu'Al-Qaïda avait déjà l'ambition de mener un projet de grande envergure en frappant simultanément plusieurs cibles. Et après son entraînement, là, Ressam revient au Canada ? Oui, en février 1999, et il commence à préparer l'attentat qu'il compte perpétrer dans la salle d'attente de l'aéroport de Los Angeles. J'imagine que pour opérer une action aussi importante, il devait avoir des complices. Forcément. D'abord un franco-canadien, Fateh Kamel, qui aurait peut-être été le chef du réseau. Un homme qui a été aussi impliqué dans l'affaire du gang de Roubaix. C'est pourquoi il a été arrêté en Jordanie, puis extradé en France en avril 1999. Alors, extradé en 1999, là, il n'a pas pu jouer un rôle actif dans le complot du millénium. Non, mais dans la bande, il y avait d'autres Algériens, dont un, au moins, était censé rejoindre Ressam à Citol, afin de fabriquer les bombes à partir des produits chimiques transportés aux États-Unis. Toutefois, je voudrais m'attarder sur un autre personnage. Un Algérien, lui, aussi ? Oui, un certain Abdelmajid Daouman, connu sous plusieurs alias, Hicham ou Rougi, par exemple. Selon certaines sources, ce Daouman se serait trouvé à bord du ferry sur lequel Ressam a voyagé. Mais lui n'a pas été arrêté. Et recherché par les services américains après la découverte du nid de terroristes de Montréal, il réussit à disparaître. Alors, où va-t-il ? Chez lui, en Algérie. Ben, il est arrêté en avril 2001 pour des actes de terrorisme. Cependant, malgré les demandes officielles formulées par les États-Unis, les autorités algériennes refusent de l'extrader. Et quand une commission américaine fait à deux reprises le voyage d'Alger pour le rencontrer, Daouman s'oppose formellement à tout contact avec ses enquêteurs. Mmh. Ensuite, alors que devient-il ? Ben, il disparaît dans la nature. Étrange, non ? Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Extrait d'un article du Nouvel Observateur paru en avril 2004. Le complot du millénium au Canada en 1999 pourrait avoir fait partie de la première tentative réelle de Ben Laden de perpétrer un attentat terroriste aux États-Unis. L'auteur condamné du complot, Ahmed Ressam, a dit au FBI qu'il avait conçu l'idée d'attaquer l'aéroport de Los Angeles lui-même, mais qu'Abu Zubaida, un lieutenant de Ben Laden, l'avait encouragé et aidé à faciliter l'opération. Ressam a dit que Ben Laden était au courant de l'opération à Los Angeles. Ces attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998 montrent qu'il prépare ses opérations plusieurs années à l'avance et n'est pas découragé par les échecs. Et que soupçonnez-vous alors à propos de la disparition soudaine de ce Daouman ? Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit au sujet de l'arrestation de Ressam lors de son débarquement du ferry. Vous avez parlé de version officielle. Ressam aurait été trahi par son agitation, oui. Alors, permettez-moi de vous dire que ça ne me paraît pas très crédible. Ressam n'était pas un apprenti terroriste. Il était aguerri, il avait derrière lui un passé de délinquant, ayant eu plusieurs fois affaire à la police. Mais quand on se promène dans une voiture qui contient de quoi fabriquer des dizaines de kilos d'explosifs... Raison de plus pour ne pas craquer. Alors, votre conclusion ? Moi, je suis à peu près sûr qu'il a été donné. Sans doute par ce Daouman, qui était vraisemblablement un sous-marin de la DRS, l'ancienne sécurité militaire algérienne. Mais, bien sûr, je n'en ai pas la preuve. Ça voudrait donc dire que les réseaux d'Al-Qaïda n'étaient pas étanches. Et que certains avaient été pénétrés, oui. Je ne vous donnerai qu'un seul autre exemple. Je crois savoir que les services secrets britanniques disposaient d'une taupe très proche de l'état-major d'Al-Qaïda. Si c'est vrai, ils auraient peut-être donc pu être en mesure de prévenir les attentats du 11 septembre. Et effectivement, les Britanniques ont averti leurs homologues états-uniens que Ben Laden préparait une opération de grande ampleur. Mais ils n'avaient pas d'informations plus précises, quoi qu'il en soit. Il est vrai que si les services de renseignement avaient bien fonctionné, la somme de toutes les informations qu'ils ont reçues, mises bout à bout, aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Mais si j'en ai le temps, je vous en dirai un mot. Auparavant, voyons d'un peu plus près cette affaire du gang de Roubaix, comme on l'a appelé. D'accord, mais question avant, est-ce que dans le complot du millénium, il y avait des cibles françaises ? Une, au moins, la cathédrale de Strasbourg. Mais là encore, nos services secrets, qui ne sont pas les moins bien placés pour lutter contre le terrorisme islamiste, ont pu juguler le danger. Et en dehors de ce gang de Roubaix dont vous allez parler, il existait par conséquent des réseaux terroristes en France. Bien entendu. On en a découvert un lors des attentats de 1995. Et puis en 2001, il y aura la tentative de Begal de s'attaquer à l'ambassade états-unienne de Paris. Oui, mais vous m'avez déjà expliqué qu'il s'agissait d'un leurre destiné à tromper la CIA et le FBI, tandis que Ben Laden et ses acolytes préparaient les attentats du 11 septembre. C'est tout à fait juste. Et je vous ai dit que j'avais la conviction que Begal et les siens avaient été trahis par leurs propres amis. Alors le gang de Roubaix, je vais vite. Pour une fois. Je vous en prie. Si j'évoque ici cet épisode, c'est que les membres de ce gang étaient en contact avec les protagonistes du complot du millénium, et en particulier Fateh Kamel, qui dirigeait la cellule de Montréal. Mais aussi avec la trop fameuse mosquée de Finsbury à Londres, où officiait l'imam Abu Hamza. Ouais, l'imam au crochet d'acier. Oui, un égyptien, ancien videur de boîtes de nuit, qui a prêché impunément le djihad pendant de nombreuses années. Et qui était manifestement proche d'Al-Qaïda. C'est évident. Donc les membres du gang de Roubaix étaient aussi indirectement liés à Al-Qaïda. Mais je vous l'ai souvent dit, Al-Qaïda n'est pas une organisation structurée et hiérarchisée. C'est une nébuleuse dont peuvent se réclamer des groupes islamistes radicaux décidés à passer à l'action violente. Ouais, des franchisés, en somme. En effet. Le gang de Roubaix se signale d'abord par une série de braquages extrêmement violents dans le nord de la France, un peu à la manière des tueurs fous du Brabant. Lourdement armés, ils n'hésitent jamais à ouvrir le feu et tuent si on leur résiste. Et la police croit d'abord avoir affaire à des gangsters, jusqu'à l'avant-veille d'une réunion du G7, qui doit se tenir à Lille, où la bande s'en prend à un commissariat. Un attentat. Heureusement, l'engin explosif déposé devant le bâtiment a fait long feu. Sinon, c'était un massacre. Les gangsters sont donc aussi des politiques, là. Et la minutieuse enquête de la police va permettre de découvrir que le ciment du gang est l'islamisme radical. Certains d'entre eux ayant d'ailleurs fait leurs premières armes en Bosnie. Ouais, aux côtés des musulmans contre les Serbes, j'imagine. Et éléments inédit, parce que moi je me souviens de cette affaire, il y a parmi eux des Français de souche convertis. Deux, au moins, dont le chef du gang, un étudiant en médecine. Bon, la suite, vous la connaissez sans doute, la police fait le siège de la planque du gang, une maison de Roubaix. Les occupants résistent longtemps, mais le GIGN finit par donner l'assaut. Et la maison est ravagée par un incendie. Quatre terroristes y trouvent la mort. Mais d'autres ont pu s'échapper. Deux d'entre eux seront rattrapés en Belgique, dont l'un qui sera abattu, mais d'autres membres du gang fuient vers l'Italie, la Bosnie. Et le plus emblématique encore en vie, Lionel Dumont, ne sera arrêté que bien des années plus tard, après des aventures assez rocambolesques. Mais si vous voulez, on en reparlera plus longuement un jour prochain. Oui, j'enregistre. Mmh. Et quelles leçons alors tirer de cette affaire du gang de Roubaix ? À partir des documents trouvés dans la maison ou sur les individus arrêtés, les enquêteurs découvrent l'étendue de ces réseaux qui ont des connexions en Europe, au Moyen-Orient et au Canada, et bien sûr jusqu'en Afghanistan. Ils comprennent aussi l'importance de ces ateliers de faux papiers qui permettent aux terroristes de passer les frontières sans difficulté. Mmh. Des documents qui seront utilisés par les hommes du complot du millénium, tels Ressam ou les autres Algériens de Montréal. Et ces convergences entre réseaux terroristes confortent la conviction des analystes des services secrets les plus affûtés que la menace va grandissant. Et si le complot du millénium a échoué, là j'ai oublié de vous dire qu'une attaque d'un navire militaire américain au Yémen avait aussi été prévue. Il est d'ores et déjà certain que Ben Laden n'en restera pas là. Et ce sera le 11 septembre. Évidemment. Oui. Mais vous m'avez dit que d'autres signes auraient dû alerter les services états-uniens. De nombreux indices, oui. Par exemple, en Allemagne, on n'a pas prêté une suffisante attention à la création de la cellule de Hambourg. La cellule qui rassemblera quelques-uns des terroristes du 11 septembre. Hein. Autre point qui aurait dû inquiéter, les camps d'entraînement d'Al-Qaïda étaient régulièrement photographiés. Comment, par des satellites espions ? Or, en analysant les photos, on a pu établir que les djihadistes s'entraînaient sur l'aéroport de Kaboul en utilisant des avions de ligne hors d'usage. Et les services français en particulier en avaient conclu que ces membres d'Al-Qaïda s'exerçaient à détourner des avions. En outre, ce qui inquiétait particulièrement les services britanniques et français, c'était l'activité des filières mises en place par Zoubaïda qui envoyait des Maghrébins toujours plus nombreux dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Autant de terroristes en devenir. Et qui un jour ou l'autre passeraient à l'action. Et puis, il y avait aux États-Unis même ces expatriés arabes qui éprouvaient soudain une envie subite d'apprendre à piloter. Hein. Des observations relayées par le FBI et qui n'ont pourtant pas été prises suffisamment au sérieux. C'est pourquoi je pense que l'alerte du complot du millénium aurait dû être jugée à sa juste mesure. La somme de toutes ces informations, si elles avaient été rassemblées, dressait un tableau effrayant. Mais la vérité est que les services états-uniens n'ont pas su les lire à temps. Des livres pour terminer, outre ceux que j'ai déjà cités. De Richard Clark, Au cœur de la guerre US contre le terrorisme, et deux ouvrages récents de Fabrizio Calvi, 11 septembre, La contre-enquête, et un entretien d'Alain Chouette avec Jean Guinel, Au cœur des services spéciaux. À samedi prochain, à 13h30, et non plus à 13h20, sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous, et pardon à tous ceux qui nous ont écrit cet été et qui, mal aiguillés pour les questions techniques, n'ont pas obtenu les réponses qu'ils attendaient. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djou pour ses petites notes de musique. Tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.